de las ardientes satánicas revolución socialista, que concluya e implante una república obrera basada en organismos de democracia directa de la clase obrera y de los pobres urbanos y del campo, incluyéndonos como marginales de mente, combatiendo por el sporting la revolución socialista en todo el mundo. Y para un aguante flotador se nos cruce en el camino de nuestra venganza. La santa burguesía y el proletariado infernal tienen intereses totalmente opuestos. Es por eso la única estrategia realista es la guerra de la clase contra el enemigo. Luchamos por la independencia y de la clase obrera, de toda variante patronal y del Estado evangelista burgués. Luchamos por recuperar nuevamente nuestros organismos como comisiones internas y los cuerpos de delegados. Et bonsoir, bonsoir. Vous venez d'écouter un morceau de Proficium de l'album Socialismo Satanico. Alors, on comprend pas un mot d'espagnol, c'est un groupe argentin, mais je pense que voilà, vous avez compris un petit peu de quoi il en retournait. Donc, c'est la deuxième émission qu'on fait avec ma collègue Déception et Pourriture. Bonjour. Je suis Lille Suze. LOL. Et donc, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'étaient pas au courant, du coup, il y a une première émission qui a été faite sur la question du black metal national-socialiste suite au concert d'Orna. Donc groupe affilié à cette scène, à Rouen au Bifrost, et qui était en tournée en France il y a quelques semaines. Du coup, on a beaucoup parlé de black metal de droite, et du coup, on s'est dit que ce serait bien également de parler de black metal de gauche. Donc, on parlera aujourd'hui donc, de la fameuse scène RABM, fameuse non, parce que le terme reste encore en débat. Donc, Red and Anarchist Black Metal. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu ou pas du tout, on se souviendra donc de ce jour de 1993 où Bourzeau bat UBM, donc où Varg Vikernes, nationaliste et suprémaciste blanc et odiniste, a donc assassiné son comparse Ronimus à coup de couteau. Et donc, lui était donc le guitariste de UBM. Le fait étant que le sieur Ronimus était, lui, plutôt un petit gars fasciné par les régimes coco-autoritaires, donc ses petites idoles à lui, c'était plus Pol Pot et Staline que Adolf Hitler. Donc on pourrait s'imaginer un monde où Burzum n'aurait pas tué Mayhem et où le black metal aurait été de gauche. Je te laisse là-dessus, qu'est-ce que tu en dis? Voilà, alors déjà, il faut pour recontextualiser le black metal, enfin en tout cas la première vague, c'était une convergence d'un espèce de crust punk et du punk hardcore poussé à l'extrême. Et du coup, avec la première vague des groupes comme Bathory qui était aussi beaucoup influencé par le thrash metal. Et après, la vague norvégienne, donc on connaît tous, qui est la plus connue avec tout ce qui est incendie d'église. La première vague. C'est détourné en fait de ses influences punk tout en gardant le côté très sale et DIY en fait. Et donc à partir de là. DIY, do it yourself. C'est ça exactement. Et ouais, les settings punk, c'est un peu perdu au niveau visuel en tout cas dans cette deuxième vague norvégienne. Mais on va voir plus tard que dans notre troisième vague dont on va parler aussi, entre autres, elle revient un petit peu sur le devant de la scène. Ouais. Ouais, alors ce qu'il faut pas oublier du coup, c'est que Euronymous donc était assez influencé par l'esthétique punk et hardcore. Et d'ailleurs, si on regarde les visuels merci Benny pour l'équilibrage. Si on regarde les visuels par exemple du Live in Leipzig, on constate que c'est quelque chose de très hérité du punk. Et lui, ce qu'il aimait bien, c'était jouer dans des squats avec des gros crustos. Donc on reviendra sur ce qu'est le crust punk un peu plus tard. Et malheureusement, donc du coup, les choses ayant été telles qu'elles ont été, donc Burzum est devenu le père idéologique du black metal et a fortiori du national-socialisme black metal. Mais malgré tout, on peut faire un petit crochet par les États-Unis et souligner l'importance de ce qu'on a appelé la troisième vague. Et donc, on va enchaîner avec un morceau de l'album Black Cascade de Wolves in the Throne Room. Thank you. Donc, Wolves in the Throne Room, qui est un des groupes phares de la troisième vague de black metal, donc qui vient majoritairement des États-Unis, qui aussi parfois est affublé du nom un peu bizarroïde de Cascadian Black Metal. Ce qui, entre nous, ne signifie strictement rien, parce que ça désigne en fait l'appellation, le genre par l'appellation géographique des groupes. La plupart des groupes étant localisés dans une biorégion et non une région purement formelle, qui s'appelle la région des Cascadias, donc qui s'étend près de la Californie jusqu'au sud du Canada, qui est formée majoritairement de grandes chaînes de forêts, de montagnes et de grandes plaines boisées, voilà, c'est une contrée assez sauvage, et donc beaucoup de groupes donc viennent de ce coin-là, donc tout ce qui découle de cette vague en fait va être des groupes qui ont beaucoup reformé le son avec des morceaux beaucoup plus atmosphériques et beaucoup plus longs, introspectifs, et également un changement au niveau des thèmes, vu qu'on va beaucoup plus parler de nature, des choses beaucoup plus contemplatives, même si c'était quelque chose qu'on trouvait déjà dans le black metal norvégien, mais là c'est vraiment poussé à un paroxysme et quelque chose de très fort par rapport à la valorisation du patrimoine naturel. Donc on va avoir des groupes comme Agaloc, comme Skagos. Skagos, oui. Voilà. Donc la troisième vague, du coup, on est sur des groupes qui ne sont pas dans les mêmes délires que les premiers, mais la politisation des groupes n'est pas forcément évidente à souligner, parce que les paroles ne parlent pas nécessairement de politique ou autre, mais par rapport à ce que les paroles transmettent et le mode de vie que peuvent avoir ces groupes, on peut déduire que c'est en général plutôt des groupes de gauche, et dans le cas de Wolves in the Throne Room, par exemple, c'est clairement un groupe dont les membres se situent dans une espèce de démarche un peu éco-anarcho, presque primitiviste. En fait, les mecs vivent dans une ferme autogérée, paumée au milieu des bois. Et genre, quand ils partent en tournée, en fait, leur batteur, c'est pas, c'est même pas leur vrai batteur, parce que du coup, il faut qu'il y en ait un qui reste là pour gérer la ferme. Donc voilà. Donc, la politisation n'est pas forcément évidente, mais il y a quelque chose qui fait sentir qu'on décolle du côté guerrier, racho de la première et deuxième vague. Et il y a un parallèle qu'on peut faire avec l'imaginaire de Taureau. Donc voilà, c'est clairement du Walden Black Metal. Donc pour ceux qui connaissent pas, et j'espère que j'ai pas fait trop de vulgarisation là-dessus parce que j'ai pas lu le bouquin en entier. Walden, donc de Henri David Thoreau, qui est une des premières expériences littéraires d'isolation et de reclusion totale du monde moderne. Donc, qui aura notamment influencé la personne dont j'ai oublié le nom, qui est originaire d'Into the Wild. Donc, voilà, une forme de reclusion, quelque chose de profondément solitaire, un dégoût du monde moderne et de la société. Et c'est le début, on va dire, d'une nouvelle histoire pour le black metal. Voilà, c'est ça. Même si les groupes se distancent politiquement de tout ce qui avait pu faire la première vague et la deuxième vague, avec les thèmes d'éco-anarchisme, tout cet imaginaire qui est mobilisé, qui est au final très black metal. Hein. Le son aussi... le son au final n'est pas si différent de celui par exemple de l'album fondateur qui est Philosophème de Burzum, c'est-à-dire un black metal atmosphérique sur des longues tracks très imaginaires, qui mobilisent l'imagination de l'auditeur. Donc à la fois il y a quand même un renouvellement du son, puisque c'est la troisième vague qui a eu tout ce black metal des années 2000, mais il y a aussi voilà, cette nouvelle politisation de cette scène. Oui. Donc, alors si on doit faire du name dropping dans les groupes, donc Agaloc, Wolves in the Throne Room, Kralis, un peu plus tard on aura Panopticon, qui est également un groupe là, cette fois-ci, beaucoup plus politisé dans les lyrics. Même si on a ce côté très black metal et très forestier, on va dire, on a aussi quelque chose de très chargé au niveau de... Alors c'est un groupe qui vient, un one man band qui vient du Kentucky, et qui est au niveau des lyrics très chargé de l'histoire ouvrière du Kentucky, tout en ajoutant une touche folk et une touche qui touche vraiment à l'histoire de la musique folklorique et populaire du Kentucky. Donc, coucou les gars, il est donc possible de valoriser son patrimoine culturel et naturel sans forcément taper sur tout ce qui est noir ou trop gay ou pas de ton coin. Dédicace. Donc ce sera notamment le morceau Coal Miners, où il parle juste du fait d'être un fils d'employé dans les, enfin d'ouvrier minier. Mais c'est un des groupes de cette scène qui est le plus vénère là-dessus. On pourra aussi citer Skagos, qui un peu plus tard sortira un album qui s'appelle Anarchique. Bon. Voilà, c'est dit. Mais est-ce que vous voulez vraiment du black metal sbulliste, bien vénère et vraiment, vraiment, qui se cache pas? Ben on y va avec Iskra et le morceau Predator Drone MQ1. Passage dédicace à Bluescum parce qu'on a déjà choisi un morceau pendant la journée du direct et il nous a jugé grave. Il a trop jugé nos trucs. On le juge aussi. Ah. Il vous a jugé d'autant plus qu'il jugeait le fait qu'il y avait moins d'auditeurs. Il pensait que c'est de la faute de votre morceau. Or là, on est à 36 auditeurs, ce qui est presque un record. Donc, allez, il peut pas vous juger finalement. Oui, je sais, j'attends. Donc Iskra, c'est un groupe canadien du coup qui s'est formé au début des années 2000 et qui pourrait jouer ce qu'on appelle une espèce de crust punk slash black metal. Donc Déception et pourrais-tu nous expliquer ce que c'est que le crust punk pour les plus novices d'entre nous? Alors le crust punk, ça dérive évidemment de la première vague de punk hardcore. Et donc, évidemment. Évidemment. Et c'est un style qui pousse le côté très DIY, donc do it yourself, dans la production, dans l'esthétique des morceaux, et donc qui est représenté surtout aux États-Unis par des groupes comme Nausea, Amebix. Et donc Iskra reprend ce type de son qui est très, très crade au final, en le poussant à l'extrême. Et donc voilà, au final, ça donne un mélange de black metal et de crust punk. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que Iskra se revendique pas eux-mêmes comme du black metal. Ils se revendiquent comme simplement un groupe de metal influencé par le crust, qui est clairement anarchiste. Donc voilà, il y a des interviews dans lesquelles ils développent un peu leur vue politique. Mais ils viennent principalement du milieu crust et pas du milieu black metal. C'est intéressant de le souligner par rapport à la suite de ce qu'on va développer. Parce qu'on va aussi parler de la scène sud-américaine et de black metal. Alors Profession, qui est le morceau qu'on a passé au tout début de l'émission, a sorti ce qu'on pourrait appeler le premier album de RABM, même si, comme on l'a dit au début, c'est pas un style, c'est pas un genre, voilà, c'est plus une mouvance. Et en fait, cette scène donc socialiste black metal s'est formée plutôt en réaction à tout ce qui était NSBM. Donc on a comme groupe par exemple Never Christ, qui est très influencé par toute la scène trash et crust sud-américaine. Et donc ça se ressent dans leur black metal aussi. Il se passe beaucoup de choses en Amérique du Sud. Beaucoup de choses. Ouais. Tu voulais finir là-dessus, non? Pas particulièrement. D'accord. Donc oui, c'est un peu du black crust accidentel. Mais c'était les premiers groupes qui revendiquaient directement les lyrics et par leurs actions. Alors après on y reviendra, mais c'est un peu difficile de faire le tracé de ce que les membres de certains groupes peuvent faire en tant que militants, vu que techniquement ils sont censés à peu près couvrir leurs traces. Mais il y avait vraiment une volonté de réaction par rapport à la tournure idéologique très, très à droite du black metal originel. Et à partir de là, oui, c'est les premiers groupes qu'on voit exploser dans un mode black crust à parler. Alors, Iskra sont effectivement anarcho-communistes, pour le coup. Oui. Et c'est souvent des groupes issus du milieu squat et qui sont donc beaucoup plus dans un esprit punk et un esprit hardcore. Et qui sont plus ou moins réappropriés ce son-là et ont développé ce style qui, une fois encore, est la dominante qu'on peut trouver maintenant dans le RABM, mais c'est ce qu'on a oublié de dire au début d'ailleurs, c'est que le NSBM, donc National Socialist Black Metal, est plus ou moins reconnu comme les fans comme un genre à part entière. Or, je suis désolé, mais l'orientation politique d'un groupe ne définit en aucun cas sa musique. Et justement, dans le NSBM, entre le black martial bien beauf, bardé de croix de fer et de ceinture à balles, et le pagan black metal ukrainien, folk, turlutui, machin, il n'y a pas d'homogénéité musicale. Et pour le RABM, même s'il y a une une tendance à s'orienter vers le crust, c'est pareil, ça ne définit pas une musique à proprement parler. Donc on peut vraiment parler d'une mouvance et c'est là qu'on pourra en reparler et dire comment ça peut être important en tant que groupe et en tant que collectif de groupe de se positionner avec cette étiquette-là en réaction à une scène qui est majoritairement orientée à droite. Voilà, ce qu'il faut pas laisser au NSBM le monopole d'une certaine unité qui est toute relative musicalement évidemment, une certaine unité de genre en fait, parce que on a quand même des groupes comme Dawn Raid par exemple qui est britannique, qui joue du black metal relativement pagan folk et donc ils sont pas du tout dans la mouvance crust comme on a pu le voir avec ces autres groupes. Donc les exceptions existent et c'est pas pour autant qu'on peut tout mettre le RABM dans le même sac, et heureusement. Ouais. Ce qui va aussi s'y remettre en perspective, c'est que c'est arrivé à une époque, donc des années 2000, où le black metal, bah, ça tournait un peu en rond. Les années 90 étaient passées, l'internet est arrivé, donc tout le mythe underground, do it yourself, a passé par des réseaux extrêmement indépendants et très occultes au niveau de la distribution et de la promotion, n'avait plus lieu d'être, vu que maintenant tout le monde pouvait accéder à cette musique via son PC. Et c'était une époque où beaucoup de groupes essayaient de reproduire ce mythe et cette espèce de fantasme qui était déjà devenu caduque. Et c'était une période quand même assez creuse et je trouve assez sale. On a notamment eu ce qu'on appelle encore un sous-genre complet qui ne veut rien dire, l'orthodoxe black metal. Voilà, donc tu fais du black metal comme tu dois le faire en accord avec les principes de la première vague, en parlant de satanisme et en portant du corpse paint et voilà, en reproduisant tout cet imaginaire-là. Mais ça, je pense que ça n'avait plus aucune quelconque sorte d'intérêt. Et donc ce petit renouveau, en soi, il a permis de mettre des groupes qui parlaient d'autres choses et qui a complètement renouvelé aussi l'imaginaire et ce qu'on pouvait faire de... maintenant on s'en rend compte, mais ce qu'on pouvait faire en faisant du black metal. Je vais faire une petite transition avec un morceau qui est comme Iskra, une chanteuse au chant. Donc c'est le morceau Prolétariat du groupe Dissidence. YouTube il bug. Nous vous remercions de nous écouter. Let's go. Eh ouais, c'est vénère. Ça franchement vénère. Donc là, c'était vraiment très influencé par le crust et le hardcore, mais c'est bon quand même. Hein. Il y a pas de mal. Mais la vraie question, c'est parce que le terme dérange beaucoup et on parlait de Walls in the Throne Room tout à l'heure aussi. Walls in the Throne Room, dès les débuts, en fait, c'est un groupe qui a beaucoup emmerdé les puristes du genre pour une raison qui nous échappe un petit peu. Comme quoi, ça ôtait l'essence du genre parce que globalement, c'était ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'était très très écolo et très retour à la nature et fuite en avant dans ces thématiques. Et beaucoup de personnes disaient que ça ôtait l'essence idéologique du mouvement parce que globalement, c'était un truc de hippie. Et donc, ce qui saoule beaucoup de personnes avec le RABM, c'est que vouloir parler de valeurs de gauche dans ton black metal, c'était pas possible. Alors, voilà, c'est... Est-ce que c'est compatible avec ce qu'est le genre à la base? Alors voilà, moi, c'est, oui. Ce qui a embêté les blackeux principalement, je pense, enfin je l'analyse comme ça, c'est l'absence d'agressivité, que ce soit dans les paroles ou dans la musique. Bon, c'est quand même... Ouais, dans la musique quand même. Dans la musique aussi, de la vague cascadienne black metal aussi. Donc cette absence d'agressivité qui était perçue comme un détournement de ce que devait être le black metal de base, un détournement des valeurs, et je pense que ça n'a pas été bien accepté, et ça continue de ne pas être bien accepté, même si tous ces groupes ont quand même un statut plutôt culte parmi les gens qui écoutent du black metal au sens large, oui. Et pas seulement de l'orthodoxe black metal. Et voilà, ça va pouvoir nous faire notre transition avec une nouvelle scène allemande de la troisième vague. La scène qu'on pourrait même appeler une quatrième vague. Et voilà. Heureusement qu'il finit parce que maintenant on va parler de dépression. Ok, je lance, c'est ça ? Tu lances, oui. Alors désolé, ça a commencé à faire beaucoup de termes, mais là on va parler de ce qui pourrait être, mais on ne le sait pas encore, une quatrième vague. Parce qu'entre temps, l'internet s'est développé, les réseaux sociaux sont arrivés et est apparu dans les années 2010 un nouveau sous-genre qu'on qualifie en général de post-black metal et aussi de black gaze. Donc attention, le black gaze est un mélange de black metal et de shoegaze. Et le shoegaze est un sous-genre du rock alternatif. Je vais y arriver. Enfin, du rock indé alternatif, apparu fin 80, années 80, début 90. Et des groupes comme Cocteau Twins, Slowdive, Lush, My Bloody Valentine, qui est un genre très contemplatif, éthéré et on va dire rose bonbon. Avec un travail très important sur les tessitures sonores qui, pour donner quelque chose de très vaporeux, très cotonneux, éthéré, avec des voix très haut perché, assez androgynes, des murs de son, du son des guitares assez prenant. Donc voilà, ce sous-genre a priori incompatible avec le black metal y a été mélangé avec des groupes comme... Merci Thomas qui vient de m'apporter une bière, incroyable, j'ai dit son Merci. Nom, je viens de rater. Genre de dox. Je viens de dox, voilà. D'ailleurs, on s'est doxé aussi, nous deux, donc c'est pas grave, on peut s'appeler par nos prénoms. C'est vrai qu'on s'est doxé. On s'est doxé. Carrément. Bonjour les haters. Bonjour la moitié du métal noir de France voilà. Qui nous déteste maintenant. On vous aime. On va peut-être en reparler. On en reparlera peut-être. Bref, ce sous-genre, donc avec des groupes comme donc nos Hérétoires avec le morceau Weltschmerz qu'on vient de passer. En France, on a eu Amser et Alceste, et on aura plus tard d'autres groupes aux États-Unis notamment avec Death Heaven et Ghostbath. Donc ces groupes en général, c'est un genre qui est assez fascinant parce que ça fait appel à quelque chose qui ressemble à du black metal au niveau des visuels et au niveau du son, mais on sent que ça nous emmène déjà vers autre chose. Et genre les logos par exemple sont comme pour la plupart des groupes de black metal complètement illisibles, mais avec des contours plus doux, moins agressifs, plus cotonneux. Et au niveau des visuels, on dérive vers quelque chose de très urbain et très très nocturne, avec une esthétique très jeune trimballe en capuche sous la flotte à la lumière des lampadaires. C'est à peu près l'esthétique que ces groupes essayent d'évoquer chez l'auditeur. Donc on peut citer Bonjour Tristesse, entre autres, dont on va passer un petit morceau à la fin. Oui. On peut citer Mathias. Aussi toute la vague allemande et autrichienne, par exemple Harakiri for the Sky, Schattenlicht, Karg, donc tous ces groupes qui partagent des membres aussi, il me semble, et qui vont essayer qui se placent donc dans ce qu'on appelle, ce que la communauté appelle le post-black metal, mais qui, à notre sens, plus une... qui est du black metal, à notre sens, en fait, juste une évolution... tardif du black metal, et donc qui sont principalement orientés à gauche. On peut citer Schattenlicht, qui est un side project des membres de Harakiri for the Sky et qui est clairement labellé antifasciste. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce que la dépression a à voir avec l'antifascisme ? Parce que c'est des groupes qui sont globalement musicalement dans une forme qu'on va appeler hérité d'un sous-genre qui s'appelle le DSBM, pour ceux qui raccrochent Depressive Suicidal Black Metal. Donc voilà, encore une fois, c'est un genre qui est vraiment un sous-genre pour le coup, avec vraiment une esthétique, un son. On a surtout des caractéristiques musicales. Voilà. Et donc le black gaze est surtout influencé par ça. Et ces groupes avec qui on parle beaucoup de dépression, d'angoisse existentielle, mais souvent recontextualisé dans un contexte urbain et dans le monde moderne. Et c'est là en fait que c'est ce qui est super intéressant, c'est que le DSBM des années 2000 n'était pas particulièrement politisé, mais avec cette vague là où les groupes, bon, pas tous bien sûr, hein, mais en tout cas cette vague allemande, donc Bonjour Tristesse, Hérétoire et Trennenkind, qui sont globalement la même bande de potes qui font des groupes entre eux, et en Autriche Karg, Harakiri for the Sky et Schattenlicht, qui sont aussi les mêmes mecs qui font des groupes entre eux, parle de dépression, mais c'est aussi également politisé. Et c'est intéressant, c'est que le fait d'avoir un environnement urbain comme imaginaire, comme nouvel imaginaire et comme nouvelle source d'inspiration musicale, c'est vraiment un cri de douleur et de colère face à l'oppression du monde urbain. Et je trouve ça assez beau, et je trouve ça très romantique au final. Et ce dégoût du monde moderne, c'est quelque chose qui est très qui est très lié finalement à ce que le black metal à l'origine, en fait, en tout cas, j'ai plus référence à la deuxième vague, ce qu'il voulait transmettre finalement. Voilà, c'est ça. Au final, on a quand même l'idée que le black metal, on peut développer sur cette idée-là. Donc, le black metal, c'est une expression de la déception de quelque chose, que ce soit le monde moderne, la politique pour certains groupes. En tout cas, c'est une expression de la déception par tous les moyens possibles. Et au final, c'est relativement cohérent de parler de thématiques qui sont plus actuelles et pas de s'enfermer dans un espèce de romantisme et de dans ce culte de ce qu'était le black metal des années 90. Mais tu dis romantisme, du coup. Voilà, c'est ça. Et oui, au final, donc c'est cohérent dans cette idée de post-black. De post-black allemand. Ouais. Je sais plus où j'en suis. C'est pas grave. Non, mais effectivement, t'as cette notion. Enfin, le black metal se voudrait, de la part de ses fans, être le genre de la subversion extrême, le genre qui repousserait toutes les limites et toutes les, tout ce qu'il y a de connu en termes de musique, et d'état d'esprit et d'idéologie. Bon, ce qui déjà est faux, parce qu'un genre musical ne se crée pas de nulle part et qu'il émane forcément de quelque chose. Et est-ce que finalement s'attaquer, enfin en tout cas prendre le contre-pied de ce qu'un genre propose, dans le cas présent, est-ce que ce ne serait pas la forme de subversion ultime? Parce qu'effectivement, comme tu disais, romantiser un mythe qui est perpétué depuis 30 ans par des mecs qui... Des personnes. Des personnes, excusez-moi, restez inclusif. On va y revenir, On va y revenir. Qui reproduisent le même mythe et le même imaginaire depuis 30 ans. Un délire qui a été quand même conçu par des post-ados en Norvège. Dans les années 90, c'était aussi... On retiendra le morceau de Glaciation 1994. Voilà. Petite dédicace Glaciation. La gueule de Ronnie Mousse Barré. Voilà, ça n'a rien de novateur, ni ça ne repousse strictement rien. Et du coup, je fais référence à une interview de Vince Vall, donc, qui est le leader du groupe normand Bluetooth Nord. C'est pas un groupe nazi, hein, malgré le nom, je précise. Pas du tout. Qui disait que globalement, les groupes de black metal les plus connus maintenant, donc que ce soit Wattain, Marduk ou d'autres choses de ce genre, ne faisaient globalement que de la pop, parce que musicalement, comme au niveau des paroles, ils ne faisaient globalement que ce qu'on attendait d'eux et ne cherchaient à repousser strictement rien. Finalement, là, on se retrouve avec des groupes qui mélangent le genre avec des choses qu'on n'aurait pas imaginées à la base. Et qui prennent le contre-pied total idéologiquement et politiquement de ce que le genre, de comment le genre s'est presque forgé. Et mais voilà, finalement, est-ce que c'est pas le truc le plus black metal du monde, quoi. Mais voilà, dès qu'on touche au mythe, ça les embête. Et on peut faire un petit parallèle avec. Voilà, on va en faire crier plus d'un, mais je pense qu'on s'est déjà mis suffisamment de monde à dos, hein, c'est pas grave. On peut faire le parallèle avec Death Heaven. Du coup. Voilà, c'est ça, Death Heaven, donc groupe américain pour ceux qui connaissent pas, de post-black. Là, j'ai mis des guillemets, ça se voit pas, mais j'ai mis des guillemets. Donc, avec leur album Sunbather de 2013. C'est tard, 2013. Donc, avec un artwork qui a fait hurler, évidemment, même avant la sortie de l'album. Oui, parce qu'il était rose pastel. Rose pastel. Ouais, là, un bon gros rose des familles. Alors, ça a fait hurler tout le monde. Il y a aussi la dégaine des mecs qui a fait hurler tout le monde parce qu'ils avaient globalement des têtes très très lambda, et pas, ils se cachaient pas derrière un imaginaire ni une dégaine particulièrement agressive ou haineuse. Donc ça s'est mis à parler de black metal, de hipster et tout, dans des termes bien dégradants en fait pour délégitimer les personnes de la musique qu'elles faisaient. Dans les faits, c'était plus une espèce de mélange de screamo, de post-rock et black metal. Même si la matrice black metal est bien là avec le chant, la batterie en roue libre et les murs de guitare, c'était quand même plus un groupe qui s'ancrait, enfin qui s'ancre toujours d'ailleurs. Donc quelque chose de dérivé du post-hardcore, du post-metal, du screamo, mais avec quand même une connaissance et un respect pour le black metal, je trouve. Et finalement, est-ce que voilà, pondre une pochette rose et parler d'expériences personnelles, d'errances urbaines et de jouer en quechua sur scène, est-ce que c'est finalement pas le truc le plus black metal qui soit, finalement? Voilà, parce que musicalement, quand même, on aurait pris donc cet album et mis une pochette différente, une pochette plus traditionnelle, entre guillemets. je pense qu'il serait totalement passé inaperçu ou alors apprécié, mais oh non, parce qu'il est bien. Pas il est super bien, alors on va pas se mentir, mais au final il serait peut-être plus passé inaperçu parce que musicalement, comme tu l'as dit, c'est très black metal. Voilà, il y a des influences post-hardcore parce que c'est quand même du post-black, des harmonies différentes, des harmonies majeures aussi, entre autres. Oui. Ce qu'on retrouve dans Ghost Bass aussi, ce groupe américain et pas chinois. Et Je sens que tu es à la fin de ta phrase. Voilà, et, la fin de ma phrase et n'arrivera pas. Et sur le bout de ta langue. Non, donc, notez d'ailleurs que Death Heaven sont des gars qui viennent effectivement du milieu screamo et post-hardcore californien et qui sont aussi très, très. Qui ont baigné en tout cas dans le milieu alternatif et squat et qui sont plutôt des gars. Des bons petits gars de gauche. Des bons petits gars de gauche, quoi qu'il en soit. Donc, voilà. C'est bien de faire chier les Black E et. Je pense que n'importe quel groupe de RABM aussi blasphématoire pour la vision du genre que tu peux avoir sera toujours plus black metal que n'importe lequel de ces groupes de limaces peinturlurées qui plaquent des power chords sur une Yamaha avec tout le respect qu'on a pour le black metal traditionnel. Très grand respect bien sûr, hein, mais voilà, je pense que non seulement il est voilà, contextuellement c'est quelque chose de super bien qui est arrivé au genre et en tant que dans un genre qui est ancré à droite à ce point-là, avoir autant de groupes qui changent d'imaginaire, changent de grille de lecture et qui commencent à constituer une scène à une époque où le NSBN, donc du coup le Black Metal Nationaliste s'organise de plus en plus en réseau en lien avec l'extrême droite. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut surligner et qu'il faut mettre en avant. Et il y a une initiative, alors peut-être qu'on en parle ou on spoil, je sais pas, de l'AIM, du coup. Non, on n'en parle pas. On va pas spoiler. Bon, on va pas spoiler. Bon, bah voilà. Tenez-vous au courant sur la page AIM. La page de l'AIM Paname. Paname, voilà. Paname. Présente. Super, je sais plus sur quoi rebondir. Ouais, ah, bravo, je voulais merci. Juste rebondir sur cette rupture totale d'esthétique du post-black metal américain, juste en parlant d'un groupe qui a pas mal fait parler de lui, donc c'est Liturgy, avec son frontman. Oui. Hunter H. Hendrix, donc qui a pondu un manifeste du black metal, du nouveau black metal. Et qui a beaucoup fait parler lui, alors que, bon, musicalement, Liturgy, c'est très spécial, voilà. Ouais, mais au final, je sais que t'aimes pas Liturgy. J'aime pas Liturgy, non. Mais au final, et ça a tellement fait rager les puristes, ouais. Au final, qu'on se demande si c'est pas la subversion ultime. Bon, ça va peut-être un petit peu trop loin pour Liturgy, parce que ça devient très prétentieux, quand même. C'est très prétentieux. C'est très prétentieux, mais musicalement, l'album... Désolé, Erwan, si tu nous écoutes. et en plus, je sais que t'aimes pas Death Heaven, en plus, donc... L'album Estetica, c'est quand même, il est quand même très bien. Il est très poussé dans sa démarche, dans ce qu'il veut faire. Et même si on n'aime pas, même si on considère qu'il faut pas toucher au black metal, c'est une initiative qui est à saluer. Même si tout ce qui peut aller avec toute cette scène américaine peut paraître super prétentieuse, ouais. En effet. Voilà. Ouais. Bon, je serais pas aussi catégorique vis-à-vis de Liturgy, mais peut-être faire un petit. J'aime bien Liturgy. Peut-être voilà. Faire un petit tour du coup par la France et faire des SO aux copains. Donc voilà des groupes on va dire subversifs pour citer Acadia Mundi de Paname. Voilà, les Parisiens. Paranasia, ils sont d'où déjà? Alors, j'en ai aucune idée. Je sais plus d'où ils sont, Damned. Bon, coucou par Amnesia. Acadia Mundi. Voilà. Il y en a un dans un coin. Là. Coucou David. Bon, voilà, sordide. Je me ferai pas de l'autopub, mais. Ben moi, je vais la faire par contre. Mort Éminence. Donc, un projet post-black rouennais aussi. Super, c'est gênant. C'est pas du tout gênant si c'est moi qui le fais. D'accord. Donc, toute cette scène rouennaise. Non, mais c'est bon, on est deux groupes. On va dire toute cette scène. Il faut se donner de l'importance. Hein. Bon, parce qu'elle met tout de suite. Et des groupes à faire des trucs de gauche, c'est bon. D'ailleurs, du coup, je suis complètement perturbé. Merci beaucoup. Pas de soucis. Oui, donc on peut vite fait revenir, ce qui nous reste 8 petites minutes, vite fait revenir sur ce dont on a parlé la dernière fois, à savoir le Hornagate, qui a globalement été un des plus gros drama et des plus gros tollés du monde. Du... Ouais, non, mais au bout d'un moment. La scène métal en France pour au moins cette année, ça fait parler, ça a partagé les articles sur les réseaux sociaux de manière extrême. Ça a pris des propensions. Alors qu'on voulait juste faire une émission sur le NSBM de base. Oui, non, mais je parle pas que notre émission. Je parle de ce qui a pu être publié dans divers réseaux, pas qu'à Rouen, mais que ce soit par les réseaux Antifa et tout. Et ça, voilà, ça a été une grande épopée. Finalement, la tournée a eu lieu et en tout cas à Rouen, le concert a eu lieu. C'était pas contrairement à ce que certaines personnes ont voulu me faire croire, c'était pas particulièrement rempli, le public était pas particulièrement faf ou quoi que ce soit, c'était juste comme on l'avait prévu, des métalleux qui savaient c'était pas. C'était une date de black metal. Voilà. C'était une date de black metal, et on sait que le black metal est un genre problématique, quoi qu'il en soit. Nous y sommes presque. On va vous laisser sur. Alors, un dernier truc à dire, parce qu'on aime bien parler de ce genre, même si on a encore des choses à parfaire sur la forme, mais. On reparlera du genre, et là, attention, sujet bien casse-gueule s'il en est, on va parler... Bah, non, je voulais se dire, je voulais faire un échange on de paroles. On va parler des femmes dans le black metal. On voulait parler du féminisme dans le black metal, mais comme il n'y a pas beaucoup de matière, on va parler féminisme et black metal. On va le faire, clairement, on va le faire. Donc ce sera la prochaine fois, je ne sais pas quand, mais on va le faire. Et je pense que ce sera pas la dernière, parce que... Ça, personnellement, j'aime bien en parler. J'aime bien aussi. Donc, on va vous quitter sur le morceau The End of the World, qui est issu du dernier album de Bonjour Tristesse et qui vous parle, en vous parlant de fin du monde, une espèce de forme de grand soir. Et attention, c'est très Them Feels. Merci Le Diable au Corps. Merci Web Radio Crochet, que nous sommes tous en tant qu'initiative collective incroyable. On en est à je sais pas combien d'heures de direct, j'ai l'impression que tout le monde est faibli, mais là c'est le début de l'apéro et ça commence à être incroyable. Merci ouais. Pour tout. Merci Benny pour les sons et merci à tout le monde. Voilà. Allez, c'est parti. À bientôt. The End of the World. We'll be right back. friends and met their neighbors for the first time. They shared food, stories, companionship. No one had to go to work or the laundromat. Nobody remembered to check the mirror or scale or email account before leaving the house. Graffiti artists surged into the streets. Strangers embraced, sobbing and laughing. Every moment possessed an immediacy formally spread out across months. Burdens fell away. People confessed secrets and granted forgiveness. The stars came out of a new city. And 9 months later, a new generation was born. Toujours sur la web radio Crochet